l'homme qui rit. Telle était la forme qu'avait prise la célébrité de Gwynplaine. Son nom, Gwynplaine, à peu près ignoré, avait disparu sous ce sobriquet, de même que sa face, sous le rire. Sa popularité était comme son visage, un masque. Sitôt le spectacle fini, pendant que l'auditoire se désagrégeait et que le brouhaha de satisfaction de la foule se dissipait dans la dispersion des rues, la Green Box redressait son panneau comme une forteresse en pont-levis et la communication avec le genre humain était coupée. La cécité voyante et la difformité aimée s'asseyaient côte à côte, la main pressant la main, le front touchant le front, et, ivre, se parlaient tout bas. Ursus comptait la recette, puis l'on soupait. Ensuite Déa rentrait au gynécée avec Phoebe et Vinos. Ursus allait mettre Homo à la chaîne sur la Green Box et Gwynplaine s'occupait des chevaux. Et Damant devenait palefrenier. À minuit, tout dormait, le loup excepté, qui de temps en temps, pénétré de sa responsabilité, ouvrit un œil. Le lendemain, au réveil, on se retrouvait. La Green Box avait peu fréquenté les villes. Gwynplaine, à 24 ans, n'avait guère vu de grandes cités. Sa renommée, cependant, croissait. Elle commençait à déborder la populace et elle montait plus haut. Parmi les amateurs de bizarreries foraines et les coureurs de curiosités et de prodiges, on savait qu'il existait quelque part, à l'état de vie errante, tantôt ici, tantôt là, un masque extraordinaire. On en parlait, on le cherchait, on se demandait où est-ce. L'homme qui rit devenait décidément fameux. Un certain lustre en rejaillissait sur chaos vaincu. Tellement qu'un jour Ursus, ambitieux, dit « Il faut aller à Londres ».